éclats de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Victor et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclats de lumière, un petit peu spéciale, vous allez le voir, du mois de juillet 2025. Le beau temps est arrivé, la chaleur aussi, et c'est peut-être aussi le moment pour vous de vous réfugier au musée, au cinéma, ou au contraire, de sortir et de profiter un petit peu donc du beau temps pour faire de nouvelles découvertes en tout genre. L'équipe du magazine Lumière en Art est là pour vous accompagner tout au long de l'été sous diverses formes, et je vais donc y revenir tout de suite. Avec nous donc dans cette émission sont donc présents mes chroniqueurs habituels que je salue, donc Gilles et Mouloud, qui vont donc m'aider à évoquer donc les beaux événements culturels de ce mois de juillet 2025 et plus généralement de cet été 2025. Alors avant de commencer cette émission et de présenter les invités présents, j'aimerais prendre un petit temps afin donc de vous faire part de plusieurs choses. Déjà, j'aimerais vous remercier puisque vous avez été nombreux à suivre cette émission chaque mois sur Fadjet Radio pour sa première saison. C'était une première donc pour nous à la radio et je vous remercie donc à la fois pour vos retours et pour votre fidélité et pour tous les retours que vous nous avez faits tout au long de cette saison donc 2024-2025. Je vous annonce donc que nous reviendrons l'année prochaine pour une deuxième saison d'Éclats de Lumière. Et qui dit nouvelle saison, évidemment, vous l'aurez compris, dit aussi nouveauté. Et pour ce faire, j'en appelle à vous, chers auditeurs, car j'ai pour habitude d'évoquer nos réseaux sociaux qui permettent donc de suivre Lumière en Art, les pages Facebook, la page Instagram, le TikTok, le site internet également. Mais il est important pour moi, cette fois, de vous demander vos avis, parce que c'est vos avis qui comptent. Quelles sont vos suggestions? Quelles sont vos remarques sur cette première saison? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce que, selon vous, il faut changer pour la saison à venir? Je vous rassure, nous avons déjà nos idées, quelques concepts forts, quelques idées d'invités, puisque nous sommes partenaires de plusieurs grands événements culturels de cette fin d'année 2025 et de 2026. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Toutefois, évidemment, nous ne sommes preneurs de toute suggestion que vous pourriez faire. Je vous invite donc encore une fois à suivre à la fois notre page Instagram, notre page Facebook et notre site internet ainsi que le TikTok. À chaque fois, vous tapez Lumière en Art et vous les trouverez aisément. Je le disais donc en introduction, cette émission va être un petit peu spéciale puisqu'elle est centrée donc sur deux événements qui, pour l'un, viennent d'avoir lieu au moment où nous enregistrons cette émission et qui, pour l'autre, vont avoir lieu. Puisqu'il s'agit, dans un premier temps, d'évoquer, durant un bon moment, cet événement très important, à savoir donc le festival Au Gré du Jazz, qui se tiendra donc du 9 au 17 août 2025 à La Petite Pierre, dans les Vosges, pour une 22e émission. Avec nous aujourd'hui pour en parler, le président de l'association, à savoir donc Christian Debat. Bonjour Christian. Bonjour. Avec qui donc nous allons évoquer durant toute cette émission la programmation et l'historique de ce festival donc très important qui est un panorama du jazz actuel. Puis avec Mouloud et Blandine Glamsevski, nous reviendrons dans un deuxième temps dans cette émission sur le festival international AYAI donc du film de Nancy qui vient tout juste d'avoir lieu afin donc d'en évoquer les principaux événements et le palmarès. Pour cela, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette émission. Vous l'aurez donc compris, donc cette émission, elle sera colorée aux couleurs du grès, avec des notes de jazz et de verdure durant toute cette heure de programmation. Nous allons donc en profiter pour vous faire découvrir la programmation à travers des morceaux choisis par l'équipe et par nos invités, et aussi en évoquant donc plus précisément la programmation de ce festival. Et tout d'abord, donc dans un premier temps, Christian, j'aimerais que vous nous évoquiez un petit peu, pour vous présenter, votre relation donc au jazz. Comment avez-vous découvert, comment vous êtes-vous mis, vous, dans le jazz afin de devenir donc ce grand passionné que l'on connaît donc aujourd'hui? C'est une très vieille histoire. J'étais dans une autre vie, j'étais fonctionnaire et dans un bureau, il y avait un ami, un collègue qui connaissait parfaitement le jazz et la littérature. Et donc il m'a fait découvrir tous les premiers groupes de jazz, notamment Ben Wester, Lester Young, Monk, Bill Evans, Charlie Parker et bien d'autres. Et j'ai accroché très rapidement et j'ai accroché très rapidement aussi avec Miles Davis qui était beaucoup plus contemporain, avec Coltrane. Il y avait des artistes de cette puissance et j'ai continué à écouter du jazz pendant très longtemps jusqu'à ce que je dans ma vie professionnelle, je bouge et je me retrouve à La Petite Pierre. Et à ce moment-là, j'ai accroché avec le festival de jazz de La Petite Pierre il y a une vingtaine d'années environ. Et alors, justement, pouvez-vous revenir un peu sur l'origine de ce festival qui fête quand même donc sa 22e édition? Comment est-il né? Quelle en est l'idée de base? Et quel est votre rôle donc au sein de ce festival? Alors le festival a été conçu par différentes personnes qui étaient Michel Schiller et Michel Schiller qui était à l'époque chargé de mission de tourisme au parc, qui avait cherché les tziganes et qui étaient de la population locale et qui les a mis en avant. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite un des personnes qui travaillait avec a rencontré Ergot, qui programmait le Cheval Blanc à Strasbourg et qui a fait basculer le festival en festival de jazz. Et donc, ça a commencé comme ça. Alors, Michel Von Kringer était aussi un compagnon de route, c'est-à-dire qu'ils assuraient la logistique, ils assuraient l'intendance, et la culture était plutôt liée à Michel Schiller, qui a eu une très grande action au niveau de la culture. Et justement, comme vous êtes un compagnon un petit peu de longue route de ce festival, est-ce que vous avez un petit peu des moments marquants de ce festival? Parce que je pense qu'en 21 éditions, déjà avant celle de cette année, il y a quand même dû y avoir un certain nombre donc, d'artistes qui sont passés, de concerts, d'anthologies qui ont eu lieu. En fait, il y a eu, je citerai par exemple Ahmad Jamal, Archichep. Archichep, j'étais proche d'Archichep parce que j'ai découvert Archichep dans les années 73 à Château-Vallon et je vais rencontrer effectivement à La Petite Pierre et j'ai noué une relation affective avec lui. Et c'était très intéressant parce que l'année où il est venu, il a amené Attica Blues et c'était son disque phare et il y a eu un concert absolument mémorable. Ensuite, nous avons rencontré Kamasi Washington, Michel Portal, Grégory Porter, Okia Traoré, Jean-Luc Ponty, Hiromi Uehara qui est une pianiste japonaise absolument extraordinaire, Moriarty, Richard Gaviano, Biri Lagrène évidemment qui est de la région, Avishai Cohen qui est déjà venu, Dasser Youssef qui a fait un concert magnifique, Chucho Valdés, Marion Rampal, Statikens, Hans Paseo, Didier Lecout, Sekuti, Paolo Frezou et encore bien d'autres. Par contre, je me souviens toujours d'un concert avec Gary Peacock. Ah, on aime les anecdotes, alors allez-y. Gary Peacock était incroyable. Il était âgé, il était en train de se retirer un petit peu et il avait interdit qu'on le prenne en photo et il a fait un concert mémorable. Et je me souviens toujours, quand il va terminer son solo, vers la fin du concert, on a entendu un grand silence, et il y avait les dernières notes de la contrebasse qui se sont mélangées avec le bruit des tilleuls, le bruissement des feuilles de tilleuls. Ah. Et tout d'un coup, il y a 900 personnes qui ont éclaté. Il y a une bronca absolument extraordinaire. C'était un moment très intense. De joie, pas en pleurs. Ben non, totalement très heureux ou très ému, ça. C'est très ému. Très ému. On a ressenti une émotion extraordinaire. Et ça, c'est un des concerts qui m'a le plus marqué. Alors évidemment, on va revenir un petit peu plus en détail dans la suite de cette émission sur la nature. Parce qu'on a vu et on l'a entendu, vous avez insisté à un certain nombre de reprises sur justement... sur le côté nature et sur le site dans lequel se tient donc ce festival. Je m'avance un petit peu dans mes questions. Allez-y. Le site, il y a une très grande intimité et il y a une grande proximité des musiciens. C'est en plein air, c'est sous les tilleuls et au pied du château. Il y a une ambiance particulière. On peut entendre un concert avec toutes dans les meilleures conditions. Et c'est dehors. On est sous les étoiles et c'est magnifique. Et puis on est en août, alors forcément il fait souvent beau et chaud, ciel est dégagé. Alors pour conclure cette première un petit peu séquence sur justement les moments historiques de ce festival, j'aimerais vous inviter un peu à vous projeter. Quel artiste aimeriez-vous faire venir par la suite? Si vous y avez pensé, si vous y avez réfléchi. Je pense que Herbie Hancock, John Zorn, Ou par exemple, Charles Lloyd, qui est assez âgé, mais qui fait des concerts extraordinaires. En ce moment, il tourne avec Jason Morand et Emile Armand. Et ils ont fait un concert magnifique à Porquerolles l'année dernière. Ce sont des musiciens que personnellement, j'aimerais entendre. Après, Herbie Hancock, nous n'aurons pas les moyens, je pense, qui passent chez nous. Herbie Hancock, effectivement, qui est un très, très grand groupe. Moi, j'aime énormément. Mouloud, dis-moi. Oui, je voudrais dire un mot parce qu'il a sorti des noms de jazz, mais des vétérans du jazz dont certains sont décédés, d'autres ne passent plus à Nancy, comme Archie Shepp, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé à Nancy. Il s'est plus concentré sur Marseille à un moment donné, où il a recréé effectivement un big band d'Attica. Oui. Hein. Et moi, je l'ai rencontré là-bas avec le batteur de... je cherche le nom, vous voyez, ça m'a échappé, enfin bref. Et j'étais à un bistrot, c'était Place de la République, et j'entendais des voix derrière moi de deux musiciens. Je me suis dit, tiens, je reconnais cette voix. Et c'était effectivement Archie Shepp. Il est venu dans les Vosges pour une grande expo de sculpture à Darnay, il y a peut-être 15 ans de ça. Et Le batteur d'Archie Shepp, c'était Don Moy. Don Moy, voilà, tu me donnes le nom. Et oui, heureusement, il y a des gens qui ont de la mémoire à côté de moi. Mais c'est marrant que vous évoquiez tous les deux ça, parce que c'est ça qui est marrant avec le Festival de la Petite Pierre, et c'est vraiment ce qu'on sent avec justement ce festival, c'est qu'on a une volonté d'avoir un panorama au niveau du jazz. À la fois un jazz très contemporain, un jazz aussi avec des grandes têtes, des noms un petit peu historiques, vous venez d'en évoquer tous les deux plusieurs, et aussi un petit peu ce jazz, les contours du jazz de demain. Quelles sont les mélodies, quels sont les instruments que l'on va voir par la suite, et je vous propose d'en entendre un premier morceau justement. C'est l'un des artistes qui est programmé pour cette édition, du festival Au gré du jazz. Il s'agit donc de Louis Matut avec le morceau Narcissus. On se retrouve dans quelques instants donc sur Fadjet Radio pour poursuivre la discussion, avec Christian Debat autour de ce festival qui se tiendra donc à la Petite Pierre en août. À tout de suite. De retour donc sur Fadjet Radio, vous êtes bien donc dans l'émission Éclat de Lumière. Nous sommes donc toujours avec Christian Desbattes, parce qu'il m'a bien indiqué la bonne prononciation et je m'en excuse pour le début de l'émission. Pas de problème. On a donc évoqué un petit peu l'historique à la fois donc du personnage, mais aussi l'historique donc de ce beau festival, les moments marquants et la manière dont il est né il y a maintenant 22 ans. On va évoquer maintenant, dans cette deuxième partie, on va revenir un petit peu plus précisément sur cette belle 22e édition du festival donc au gré du jazz, qui va donc se tenir du 9 au 17 août 2025 à La Petite Pierre. Et pour évoquer cette programmation, il me semble, Christian, que tous les concerts et toute la programmation n'est pas payante. C'est exact. Arnobel et Aïcha Shibat nous ont concocté 23 concerts en accès libre et 14 concerts payants. Au niveau des scènes, est-ce qu'on va avoir plusieurs scènes différentes? Oui, au niveau du site, scènes. D'accord. Il y a la scène principale, la scène in, c'est la fameuse scène où il y a sous les tilleuls, au pied du château, la scène magnifique, poétique. Ensuite, au jardin du commandant, il y a l'air scénique. Et après les concerts, on fait passer des groupes qui sont en émergence et qui sont du Grand Est. Et ça, c'est le travail d'Arnobel et d'Aïcha. Mmh. Ensuite, hors les murs, il y a aussi 6 concerts dans différents endroits. Et dans les concerts principaux, c'est-à-dire les 14 concerts, il y a deux concerts qui sont en extérieur. Le premier est à Beach, et ça c'est le lundi. Et le deuxième est à Saverne, donc c'est un partenariat avec les deux villes portes du parc régional des Vosges du Nord. Et c'est deux concerts particuliers avec des artistes, par exemple à Saverne, il y aura Balaké Sissoko et Pierre Fassini. C'est deux très grands musiciens. Et à Beach, ce sera Gabi Hartmann. Alors, c'est dans la citadelle de Beach. Au-dessus, on a une vue à 360 degrés. Le soir, c'est encore un paysage extraordinaire pour le jazz. On a compris donc vraiment le décor du festival est un décor absolument propice justement à écouter, à entendre finalement oui, du jazz. C'est le plaisir des Vosges du Nord avec sa forêt, ses rochers, ses paysages particuliers, ses châteaux. C'est comme ça, c'est une ambiance singulière et une ambiance sensible et qui permet de se intérioriser et de prendre plaisir à écouter des musiciens qui font une très belle musique qui est le jazz. Quoi. Et de s'immerger pleinement du coup dans l'ambiance de ce festival. On va revenir un petit peu dans la troisième tout à l'heure et dernière partie de l'interview sur les différents acteurs et justement sur ce cadre dans lequel donc s'inscrit ce festival. Alors Christian, il va falloir que je pose un petit peu cette fameuse question. Quels sont les concerts et les artistes à ne pas louper durant cette édition du festival? Moi, je pense à Matute, évidemment, à Flavia Coelho. Combien d'entendre, Louis Matute. Hein. Flavia Coelho. D'ailleurs, à Matute, il y a Léon Fald, qui est bien connu, qui a gagné le tremplin à Nancy il y a quelques années, qui est un magnifique saxophoniste. Ensuite, je dirais Avishai Cohen, qui est le plus grand musicien le plus connu du festival cette année. Oui. Effectivement, on en entendra un petit peu tout à l'heure, oui, de Avishai Cohen. Et d'autres, est-ce que vous avez disons oui, Balaké Sissoko et Pierre Fassini, c'est clair qu'il ne faut pas les louper. Et d'ailleurs, à Saverne, il y aura deux concerts, un à 18h et un à 20h, parce que l'église ne peut recevoir que 300 personnes. Donc on fait le plein à chaque fois, il y a 600 personnes à ce concert. L'année dernière, il y avait Periani et c'était magnifique aussi. C'est bien qu'on évoque ça tout de suite, parce que donc on a déjà plusieurs événements, plusieurs concerts qui sont déjà complets, potentiellement, ou il y a encore de la place quand même? Il y a de la place encore pour tous les concerts, mais on a une très très bonne réservation cette année et ça continue. On est très étonnés. Ce programme d'Arnobel a l'air de plaire beaucoup à nos festivaliers. On a beaucoup plus de réservations que l'année dernière, qu'il y a 2 ans. Il faut dire que le programme, c'est un programme qui est donc assez éclectique, hein, parce que moi-même, j'écoute donc pas mal de jazz et je connaissais certains des artistes programmés, mais il y en a certains autres que je ne connaissais pas. C'est un jazz assez particulier qu'on va retrouver dans ce festival et c'est un festival dont la programmation se veut assez large, disons. Oui, mais ça, c'est le travail d'Arnaud. Et Arnaud a une grande sensibilité musicale et il sait s'adapter aussi à notre festival, à l'historique de ce festival. Et je pense qu'il y a une très belle qualité de programmation. Moi-même, il y a aussi, bien sûr, différents groupes que je ne connaissais pas, que je vais découvrir, qui me fait un plaisir de découvrir si j'ai le temps. Oui, on risque d'être un peu occupé durant ce festival. Mais donc, on a quand même des... J'avais oublié Ayo. Oui, Ayo, évidemment. Ayo, c'est aussi quelqu'un de très intéressant. Parce que on a donc, parmi tous ces styles de jazz... parfois des mélanges, un petit peu des hybrides qu'on va retrouver. Alors, on a des genres proches donc, Musique fusion, oui. Les hybrides, oui. On a un jazz qui est parfois un jazz un petit peu plus classique, traditionnel, dont on a l'habitude, qui est l'héritage un petit peu de cet âge d'or du jazz qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on a aussi des nouveaux genres qu'on va retrouver, du coup, durant ce festival, Christian. Oui, Flavia Coelho, par exemple. Gabi Herman aussi, qui nous amène... Après, il y a Michel Davis. Qui sont des... Ayo aussi. Ayo, oui, évidemment, oui. Qui est un grand représentant un petit peu de cette musique fusion, de cette musique hybride ici. On peut noter également la présence d'un certain nombre donc, d'artistes et de groupes au niveau de cette fusion avec du funk, la présence de funk, de soul, un petit peu de hip-hop aussi. Donc on a vraiment une volonté de montrer... Quel va être finalement le style, quels vont être les styles, même au pluriel, du jazz donc pour demain. Et j'avais envie de demander aussi, est-ce qu'il va y avoir un petit... Oh oui. J'ai oublié Angelo De Bar, qui va faire une journée des tziganes, parce que l'identité de ce festival est une identité aussi, de tziganes, évidemment. Les festivals a été aussi les tziganes, pardon. Oui, alors le festival de jazz, effectivement, on n'oublie jamais, je pars à Nancy, à Nice et à Marseille. Il y a toujours quelques groupes africains sub-sahéliens, donc. Bah, Sissoko. Alors, voilà, maliens, sénégalais, ou autre, il y en a. Sissoko. Ouais, ouais. Toujours énormément. Et est-ce qu'il va y avoir un petit peu autre chose au niveau des spectacles, des animations ou autres qu'on va pouvoir un petit peu retrouver ici durant ce festival, ou est-ce que ça va être uniquement centré un petit peu sur la musique, les concerts? En fait, il y a aussi des accès aux concerts. Oui, pardon, j'ai une petite trou de mémoire. Au niveau notamment donc des scolaires, il me semble qu'on va avoir un certain nombre donc d'éléments, notamment quelque chose qui s'appelle Mélodie inclusive, si je ne dis pas de bêtises ici. Alors. Il y a un atelier d'improvisation de guitare avec Hector Javier Ayala le mardi 12 août. Un atelier laboratoire pour déconstruire ses réflexes et explorer l'impro libre et modale. Jouer du silence autant que des sons. Voilà, ça c'est quelque chose qui sera le mardi 12 août. Après, dans le cadre du spectacle Mama Miti, ce sera un atelier parents-enfants, moins de 5 ans. Jeu d'écoute, manipulation de matière naturelle. Chant traditionnel et rythme dansé. Donc ce sera une immersion sensorielle et musicale autour de Mama Miti. Une rencontre entre un groupe de jeunes artistes émergents de la scène jazz du Grand Est, Fousse Quartet, et les résidents du foyer spécialisé Théodore Monod à Erkartwiller. Donc ça c'est à l'extérieur. Ensuite, il y a un atelier enfant de 6 à 10 ans, le jeudi 14 août, au château de la Petite Pierre. À partir des sons, matière et objets du spectacle Mama Miti, les enfants imaginent les ambiances, créent des rythmes, explorent textures et timbres. On chante, on danse, on écoute et pourquoi pas on improvise. Et puis, il y aura quelque chose de particulier, c'est l'antre sonore en caravane. Donc ça va être une caravane qui sera installée un tout petit peu excentrée de la scène principale, disons dans la vieille ville, parce que le festival est aussi dans la vieille ville de la Petite Pierre. D'accord, oui, pas uniquement au niveau du château. Le samedi 16, le dimanche 17. Et donc, rue des Remparts, il y aura une aventure sonore en deux temps. Dehors, on manipule et on découvre des objets sonores avec Raison R, chef d'orchestre malicieux. Dedans, on entre dans l'antre, un cocon musical où tout s'invente à l'oreille en collectif. Alors, l'entrée est libre, mais les places sont limitées. Donc, il faut réserver sur le site internet et à l'office du tourisme de la Petite Pierre. Voilà, c'est les choses qui sont... Un petit peu à l'extérieur, et on notera d'ailleurs une présence forte d'initiatives pour les enfants. Oui. Aussi parce que eux aussi, on peut, dès leur plus jeune âge, donc venir avec eux et leur faire écouter, leur faire découvrir de la musique, et plus précisément de la musique un petit peu en lien avec le jazz, évidemment. Les enfants, ce sera les adultes qui écouteront du jazz demain. Demain. Exactement. Peut-être. Exactement. On espère, on espère surtout. Et j'ai une dernière petite question pour conclure un petit peu cette partie à propos de cette programmation riche du Festival au Gré du Jazz. Bah, tout bêtement, où est-ce qu'on peut trouver les informations pour venir sur place? Alors, les informations, c'est d'abord sur le site. On a évidemment un site sur Internet. Mmh. Donc, on tape Jazz la petite pierre et vous avez tout, vous pouvez avoir toutes les informations sur les réservations, sur les accès. Et j'ajouterais juste aussi que récemment, donc, pour la billetterie, on a donc une carte festival individuelle qui va être mise donc, en place. Alors en fait, pour le pass festival est à 295 et on a accès à tous les concerts payants. Alors après, on a un pass journée 9 août à 54 euros, une pass journée 10 août à 54 euros, un pass journée 15 août à 60, un pass journée 16 août à 48 et un pass week-end de 9 et 10 août à 106 et un pass week-end 2 de 15, 16 et 17 août à 125 euros. Il y a aussi une navette, deux navettes qui partiront de Strasbourg. Je voulais en parler dans la dernière partie, mais allons-y pour les navettes, effectivement. Oui, d'accord. Non, mais allez-y, allons-y. Deux navettes qui partiront de Strasbourg uniquement pendant les week-ends. Oui, le 9 et le 16, du coup, pour découvrir de nouveaux concerts. Oui, je voulais tu viens de parler de ce que je voulais demander. J'aimerais bien que ce soit des navettes de Nancy, mais c'est un peu loin. C'est un peu loin, effectivement. Il y a une question que je vais poser. Je pense qu'il y a un public qui se déplace comme ça dans les festivals, mais en même temps qui a pas les moyens d'aller à l'hôtel ni louer chez des gens sur place, mais je pense qu'il y a des campings à proximité au cas où, des aventuriers, des jeunes qui ont envie d'être sous une tente après le concert, quoi. À Innsbruck, il y a un très beau camping et il y a pas mal il y a des festivaliers qui vont à Innsbruck. Après, il y a les chambres chez Habitants, il y a les gîtes, puis il y a les hôtels. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a une restauration, abordable? Alors, il y a une restauration abordable sur le festival, dans le cadre du festival, au jardin du commandant. L'association fabrique et propose des tartes flambées, des tartes flambées végétariennes, des tartes flambées classiques, des tartes flambées avec un dessert. Et aussi, ils proposent des tartines vegan. Donc, on fait attention à des différentes façons de s'alimenter. Il y a aussi des croque-monsieur, des crêpes, par exemple. Oui. Afin de se restaurer entre deux concerts. Une très, très bonne, très, très belle cabane de vin bio. On travaille avec des producteurs qui ont des petits hectares, 15-16 hectares, et qui nous fondons de bouteilles de vin que nous vendons au profit du festival, et on a beaucoup de succès. Disons, vous assurez les produits locaux de toute façon. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans ce que nous utilisons, les produits sont achetés dans un rayon de 15 km, 15-20 km. On va en reparler justement de ce cadre justement et des différents acteurs de ce festival dans la dernière partie de cette émission. Mais comme on vient de parler un petit peu de la programmation, j'avais envie de mettre donc un petit peu d'Avishai Cohen, Remembering. On se retrouve tout de suite, donc c'est l'émission Éclat de Lumière sur Fadjet Radio pour parler du festival Au Gré du Jazz. Thank you. De retour donc sur Fadjet Radio, vous venez d'entendre Avishai Cohen qui sera l'une des têtes d'affiche, voire peut-être la plus grosse tête d'affiche du festival duquel nous parlons depuis le début de cette émission, donc le festival Au Gré du Jazz qui se tiendra à la Petite Pierre en août pour une 22e édition. Pour terminer rapidement ce point sur le festival avec donc Christian Debatte, nous allons donc évoquer tout d'abord peut-être l'acteur majeur pour ce festival, celui qui porte un peu le festival, à savoir le parc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parc naturel et de son action pour le jazz et pour le festival? Donc, je reprendrai ton expression d'acteur majeur. Effectivement, le parc est un acteur majeur du festival et de la culture dans notre région, dans notre petite région. Le parc porte le festival et sans lui, nous ne pourrions pas faire le festival. Le parc a repris le festival à un moment où la commune s'était désengagée du festival et ce festival risquait de disparaître. Donc le parc a pris la décision de le porter et donc il fait ce travail et il le fait très très bien et nous sommes heureux d'être en partenariat avec le parc. Et d'autant plus que le parc a une idée très forte de la culture, et pour nous c'est essentiel quoi. C'est essentiel parce que ce festival c'est quand même un festival d'un milieu rural. C'est pas courant un festival d'un milieu rural, c'est ce qu'on évoquait avec les scènes, bien sûr. C'est plutôt des endroits qui sont plutôt citadins. Et donc nous sommes heureux d'avoir ce niveau de festival parce que comme je te disais tout à l'heure, je t'ai fait un peu la somme des artistes qui sont passés. Il y a vraiment des artistes de réputation mondiale qui sont passés à la Petite Pierre, qui est un petit village de 600 habitants, au cœur des Vosges du Nord. Et c'est un bel exploit. Et c'est aussi évidemment grâce au parc que l'on a cette nature préservée de laquelle on peut profiter autour justement donc de la Petite Pierre durant le festival. Pour le moment. Pour le moment, on espère que ça dure le plus longtemps possible, évidemment. Et parce qu'on évoque la musique depuis le début de cette émission, mais il y a aussi un petit peu des éléments autour de la musique, notamment un petit peu de l'artisanat, du tourisme. Alors est-ce qu'on peut l'évoquer justement pour terminer ce point ? Il y a un artisanat de miel, il y a de l'artisanat de cuir d'un très bon niveau, il y a un tourneur sur bois, il y a des couteliers. Et c'est des personnes qui font un très bon travail, un bon niveau. Et les festivaliers peuvent avoir l'occasion de rencontrer l'un ou l'autre au cours de leur déambulation. Et puis de connaître un petit peu la culture locale aussi, puisque c'est l'un des buts justement de ce festival. Et d'un point de vue touristique, évidemment. Alors, d'un point de vue touristique, la région est très très riche. Il y a le musée Lalique et il y a la cristallerie Saint-Louis. Alors, et puis le musée Lalique, pour les auditeurs. Le musée Lalique, il est un musée extraordinaire sur Lalique, c'est-à-dire sur toute la création de Lalique, du cristal. D'accord. Et il y a aussi la cristallerie Saint-Louis, où il y a un très grand travail. Et surtout, historiquement, en Maisenthal, il y a un travail évidemment qui est fait sur le cristal. Et il y a une très, très belle scène aussi à Maisenthal. Très réputée pour les boules de Noël, notamment. Aussi, bon, il y avait Château aussi, Wichtenberg. Et puis, sans oublier, il y avait 300 kilomètres de sentiers balisés par les gens des Vosges du Nord. On peut assister au concert et puis aussi se promener en forêt et puis faire un peu de tourisme. En fait, c'est presque des vacances. Il faut venir 3 jours. Plusieurs jours. Et venez vous immerger dans les Vosges du Nord 3 jours pendant le festival de jazz de la Petite Pierre. Et on rajoutera du coup un rappel par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec des navettes évidemment donc accessibles maintenant depuis Strasbourg, qui est quand même une assez grande ville. Uniquement le week-end. Mais c'est déjà un premier pas avec aussi des concerts qui sont délocalisés du coup du côté de Saverne et autres, afin justement de diffuser cette culture jazz et de diffuser ce bel événement à la fois musical, culturel, mais aussi donc touristique. Gilles, un dernier mot à propos justement de ce festival et de Lumière. Très brièvement, un énorme coup de cœur de l'équipe de Lumière en Art pour ce bel événement. On est ravis et enthousiastes, encore une fois, de pouvoir être un petit grain de sable, d'accompagner la communication. À notre façon, on prenne nos lecteurs parce que c'est une première. Et effectivement, on va alimenter, nourrir au fil de l'été par nos différents réseaux sociaux, notamment les Facebook et Insta, de toute l'actualité de la préparation du festival. On aura l'occasion de se retrouver, on espère, là-bas, ensemble ou l'un après l'autre. On verra avec plaisir l'événement parce que c'est toujours une question de date. Et on souhaite vraiment que nos lecteurs, nos auditeurs soient très, très, très nombreux à découvrir dans ce magnifique site. Parc naturel, les Vosges du Nord, l'Alsace, c'est quand même fabuleux. Il y a une programmation et je salue le duo incroyable entre Victor et Christian pour nous avoir donné l'eau à la bouche, comme on dit de façon familière. Moi aussi, j'ai envie d'écouter du jazz maintenant. Dans l'art de vivre. Mais c'était une bonne décision. Voilà. On espère que les lecteurs, les auditeurs vont être... On a pu transmettre un peu de ses passeurs par rapport à cela. Et puis, on se retrouvera avec nos amis aussi de France Infonet en collaboration. Voilà, on va essayer de faire le maximum parce que c'est un événement... qu'on ne saurait trop vous recommander en Grand Est. Et avant de laisser la parole à Christian Desbattes pour un dernier mot, j'ajouterai aussi pour les lecteurs de Lumière en Art qu'on souhaite aussi mettre en valeur donc la musique et le jazz et qu'on va inviter nos lecteurs, quand je parlais aussi donc de programmation sur l'été, à découvrir un certain nombre de morceaux, comme on l'a fait durant cette émission, mais aussi avec des articles qui vont évoquer les artistes, les albums récents de jazz, afin donc de mettre en valeur la programmation du festival et de mettre en valeur plus généralement la musique aussi sur les réseaux sociaux de Lumière en Art. Un dernier mot, Christian. Je voudrais remercier Lumière en Art et Fadjet de nous accompagner pour cet événement. Nous avons besoin de soutien et c'est important. Donc merci à vous de communiquer, de parler de notre festival, parce que c'est un festival à laquelle nous mettons beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et qui nous tient profondément à cœur. Et merci à vous encore. Et c'est évidemment nous qui vous remercions donc pour cette belle intervention et cette belle interview. Je rappelle donc le festival Au Gré du Jazz sur la commune de la Petite Pierre qui se tiendra du 9 au 17 août 2025, donc pour une 22e édition dans les Vosges du Nord. Rendez-y vous ne serez pas déçus, à la fois par le cadre, par la musique et par les activités qu'il y a autour. Et pour prolonger un petit peu le plaisir avant de passer donc à la dernière rubrique de cette émission, je vais mettre donc un extrait, un morceau de Delvon Lamar pour conclure sur le jazz et sur ce festival. On se retrouve dans quelques minutes pour parler cinéma sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de Lumière. De retour donc sur Fadjet Radio, c'est la dernière partie donc de notre émission Éclat de Lumière. Et après avoir parlé un petit peu de musique pendant plus d'une demi-heure, nous allons terminer cette émission en revenant sur l'un des événements culturels dont nous vous avons parlé lors de la dernière émission, excusez-moi, qui était donc le Festival International du Film de Nancy, Festival Ayaï, que Mouloud et donc Blandine Glamsewski vont évoquer, vont notamment parler un petit peu de ce qui s'est passé et du palmarès ensemble. Bonjour Madame Blandine Glamsewski. Bonjour. Enfin bref. Donc là on va parler de ce festival donc qui a eu lieu dernièrement, qui a duré 10 jours. Bon, c'est sûr que c'est certainement harassant, éreintant en fin de compte. Après une interruption de 10 ans du plein air qui a duré, je crois, 3 ans, c'est ça ? Tout à fait. Donc, ce festival, voilà, ce que je voulais demander, c'est plutôt les primés du jury. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Comme moi, j'ai pas vu, disons, des films qu'il y avait le soir-là, parce que j'étais en activité. Donc, je pense que le public a envie d'entendre les primés, quoi. Les prix. Alors, qui a été primé lors de cette édition? Oui, pour faire rapidement, donc, il y a un jury professionnel et un jury presse pour les documentaires. Donc, c'est le film The Flats qui a été primé par le jury presse d'Alessandra Celestia. Qui est un film tourné dans une enclave catholique républicaine de Belfast. Ce film qui a ébloui le jury presse par la véracité et la jeunesse de ses personnages, leur grandeur dans la douleur, mais aussi par leur humour ravageur et leur incroyable sens de la dérision. Et le film qui a été primé donc par le jury pro pour les documentaires toujours, c'est le film... Le film argentin, le titre original est Donde los árboles dan carne, ou Là où les arbres donnent de la viande, qui traitait plutôt d'une thématique toujours actuelle aussi sur la sécheresse, enfin les conséquences de la sécheresse et les conséquences du fait que l'homme participe trop à cette... Ouais, on l'évoquait juste avant... Ouais. L'écologie et l'environnement. Voilà, donc le réalisateur Alexis Franco qui a réussi l'exploit de résumer l'immensité infinie de la Pampa en Argentine, à trois personnages qui tentent de survivre en élevant des vaches que frappe la maladie et la sécheresse au milieu de nulle part. Donc des films qui sont à la fois très intéressants dans les thématiques abordées, mais aussi très beaux au niveau de la photographie, voilà. Donc ça, c'est pour les documentaires et pour les courts-métrages. Donc, nous avions plusieurs jurys. Le jury professionnel qui a remis un prix, le grand prix pour Une orange de Jaffa de Mohamed Al-Mougani, qui est un film qui traite finement, en fait, ce qui se passe en Palestine à travers donc, un jeune homme qui veut traverser donc, le poste. Donc, il est dans l'actualité, quoi. Complètement. Mais la totalité des films qui ont été primés, j'ai l'impression, en tout cas, sont plus ou moins en lien avec l'actualité, avec des sujets un petit peu brûlants ou un petit peu, disons, actuels en 2025. Oui, complètement. Et aussi, dans la grande région, ça va être plus des problèmes relationnels de couple. Mais effectivement, il y a beaucoup d'actualité dans les films. Oui, donc ça, c'est plutôt là, effectivement dans l'actualité de la Palestine, mais est-ce que sur l'Ukraine il y a quelque chose? Parce que je pense qu'il doit en avoir, parce que moi je ne les ai pas vus. Donc, Oui, il y avait un film qui traitait de l'Ukraine, mais pas dans les films primés, mais oui. Il y a beaucoup de thématiques différentes abordées. C'est l'idée un peu de la sélection, que ce soit dans les courts-métrages, dans les documentaires, c'est de faire un peu un tour de... Je pense que le public, lui, a certainement un film, soit dans les courts-métrages, soit dans le long-métrage, mais je parle vraiment celui qu'on appelle le coup de cœur, mais on est attirés tous... Sur le plein air, quel est le film qui a le plus remporté, disons, au niveau public, quoi? C'est difficile de parler de coup de cœur parce qu'il y a vraiment une proposition éclectique, très riche. Complètement. Complètement. Très riche. Donc, chaque enfin, dire, spectateur a un peu aime plus tôt ce film-là ou ce film-là. Et que ce soit, en plus, nous, c'est un film, un festival généraliste à la fois aussi dans le, on va dire, le. C'est aussi bien des courts-métrages que des documentaires, que des longs-métrages de fiction. Les longs-métrages de fiction, on les retrouvait surtout en plein air le soir, tous les soirs à 22h. Le premier film qu'on avait passé, c'était Les Chiennes de vie. C'était un film en avant-première en France, un film belge qui avec l'humour belge, qui était vraiment très bien, en présence du réalisateur. Je crois que j'ai vu quelques images, mais vraiment quelques images de ce film, effectivement. C'est l'humour belge. Oui. Mais on a, à travers ce focus Belgique, on a eu aussi des thématiques un peu plus graves abordées, mais aussi beaucoup de films avec humour belge également. Donc après l'interruption donc, du plein air, il est revenu, donc maintenant c'est reparti, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres interruptions. Bon, quel bilan vous en tirez du nouveau plein air? Est-ce qu'il y a une résilience du festival et, est-ce qu'il y a d'autres problèmes au niveau de l'organisation ou au niveau public? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a monté? C'est difficile de dire à ce jour. Les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes dans le sens où la canicule faisait que ça a freiné quand même. Mais c'était à 22h, donc c'était peut-être... Non, mais pour les séances l'après-midi. Ah oui, en fin ça, ça par contre, ça doit être un peu plus difficile à gérer. Je crois que ça a fait beaucoup baisser, effectivement, la canicule. Tous les cinémas ne sont pas climatisés, c'est sûr. C'était des salles de, donc des partenaires culturels de la Cour de la Manufacture. Il y a une question que j'aimerais poser. Je ne sais pas si c'est peut-être si une réponse qui peut être tenue, mais enfin, est-ce que le festival à la date parce qu'il y a eu plusieurs déplacements, il y a eu fin août, début septembre. À un moment donné, il y a eu une idée de le passer en fin septembre. Et là, il a été avancé donc fin juin, début juillet. Au niveau matériel et au niveau opportunité pour le public, est-ce que c'est la bonne date? Difficile de le dire maintenant, mais en tout cas, ce sont des bonnes dates, c'est sûr, pour le public qui est encore à Nancy et pas encore parti. Effectivement, on a retrouvé le plein air, alors ça c'est assez extraordinaire, cette impression de retrouver ces espaces, à la fois la cour sous le marronnier, où là il y a pu avoir les concerts, bars, restaurations, des échanges avec les divers invités, que ce soit des invités des jurys ou des invités réalisateurs ou autres membres d'équipe de film. Et puis dans l'autre cour, donc les fameuses projections en plein air qui avaient lieu donc à 22h sur un grand écran qui est de 12 mètres sur 7 mètres. Donc c'était vraiment très très agréable de retrouver ces espaces et cet esprit du festival que les invités qui viennent d'ailleurs découvrent et sont enchantés par... pour cette ambiance et ces espaces. Donc il y a un point positif. Bon, pour le matériel et tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes de matériel. Là, c'était pour avoir des tables et des bancs. Donc on a été voir différents associations, dont la commune de Tramont qui nous a prêté, mis à disposition donc des bancs et des tables. Et un investissement, on a dû investir dans quelques barnums et puis. L'NJP nous en a prêté un également, voilà. Oui, donc l'investissement dans quelques barnums, ça a dû amputer un petit peu le budget, non? Un petit peu, oui. Oui, parce que c'est du matériel qu'on avait par la municipalité le plus souvent, quoi. Alors que la fois-ci, effectivement, il y a eu des barrières, il y a eu je pense, quelques éléments matériels, mais pas des barnums ni... je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait comme manque de matériel que le festival a été obligé d'emprunter à l'extérieur. Il y a quelque chose que vous avez un peu évoqué là à l'instant, et je me souviens qu'on en a parlé lors de la précédente émission, au niveau de la sélection Grand Est, qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau du bilan, au niveau des films qui ont été diffusés, quelles ont été les thématiques importantes qu'on a pu retrouver ou autres, ou même les retours du public, ou autres, lorsqu'on a vu cette sélection Grande Région ici au festival. Donc oui, la sélection Grande Région, donc Wallonie, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Région Grand Est. Un peu de Belgique aussi, du un coup. Un peu de la Wallonie. la Wallonie. Donc là, il y avait plusieurs films belges dans cette sélection Grande Région, mais luxembourgeoise, française. Ça fait partie des différentes sélections. Mmh. Différentes thématiques abordées, hein, que ce soit... Mmh. Il y a eu aussi bien aujourd'hui les conditions de travail, un peu de harcèlement pour des jeunes, et de l'humour aussi, l'amitié ou des choses comme ça, ou aussi les relations de couple ou des choses, et avec humour aussi, on a les gilets jaunes. Enfin voilà, c'est différentes thématiques qui ont été abordées La sélection. Mais encore une fois, je constate en découvrant ce bilan que des thématiques assez actuelles, au cœur plutôt de l'actualité et autres. Un dernier mot peut-être, Mouloud, pour conclure. Une dernière question peut-être avant qu'on laisse les auditeurs de Fadjet. Ouais, je voulais éventuellement faire une annonce de personnes qui ont oublié quelque chose, je crois, au festival. Je ne sais pas si c'est opportun de faire une annonce... Non, mais il y a toujours des objets trouvés, donc on peut effectivement nous contacter, notamment quelqu'un qui a oublié un sac avec différents objets, de sport surtout. Voilà, il y a eu un sac d'oublié, je crois, une paire de lunettes, c'est ce que j'ai entendu. Une belle raison de revenir l'année prochaine, voilà. Ça lui ferait une belle raison de revenir l'année prochaine en tout cas. Et on souhaite, en revanche, et j'insiste pour que le festival revienne l'année prochaine, avec une programmation donc aussi riche, et surtout ces séances donc de plein air qui font un petit peu le charme à Nancy, mais aussi ailleurs, parce que c'est toujours agréable de découvrir des films un petit peu différemment, avec différents styles et différents publics. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette émission, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie donc nos invités, donc Christian Debatte et Blandine Glamsewski, ainsi que nos chroniqueurs, Gilles et Mouloud, pour ce moment riche en échanges et en recommandations culturelles. Merci à l'équipe du Gré du Jazz, à l'équipe donc du Festival International du Film de Nancy. On se retrouve dans un mois pour une émission culturelle en août. Sortez, faites des découvertes, et puis on se retrouve vite. Ciao, bye bye.